décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 12 au 18 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Jasmine Raymond-Drainville. Oui, Jasmine qui est là pour toute l'émission. Oui. Oui, c'est rare, mais c'est le fun, on aime ça. C'est parce que nous sommes en grève générale illimitée. Tout à fait. Donc, pas de cours aujourd'hui. C'est bien vrai. Et c'est bien vrai pour le vendredi aussi, pour ceux qui nous écoutent le vendredi. Oui. Et pour ceux qui nous écoutent le lundi, ben là, c'est pour ça qu'on ne va pas trop vous tenir au courant des dernières actualités dans l'émission d'aujourd'hui, parce que ça repasse lundi, donc ça va être un petit peu bizarre pour les gens qui nous écoutent. Mais en gros, là, surveillez vos courriels, soyez au courant sur Facebook, suivez la page de l'AGEQTR et allez voir ageqtr.org. Tout à fait. Pour savoir ce qui se passe avec cette grève-là. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir quelques nouvelles entrées. Il y en a quatre. Les Delaware Chuck, Grimes, The Revolver. Et on va débuter avec Sago. Le temps de vous dire, avant ça, qu'on va avoir plus tard dans l'émission la chronique de Justine Renaud. Les tartines de Justine. Yeah, ça fait longtemps. Hey, ça fait quoi, un mois? Dans mon cas, en tout cas, là. T'as bien raison. Sinon, on va aussi avoir DJ Alcatardi avec sa nouvelle chronique Drop the Bass. Sa deuxième, elle va la faire dans l'émission d'aujourd'hui. Toi, t'as pas de comptine, par contre. Ben non, parce que, encore une fois, j'essaie de vous mettre en contexte. Hier soir, mercredi, si vous nous écoutez présentement là c'était le... Oui. c'était le vote de l'Assemblée générale de grève, puis... ça finit tard. Suite au dévoilement des résultats, ben on a passé une nuit blanche, mais une belle nuit blanche quand même, donc j'ai pas de comptine aujourd'hui. Est-ce que t'étais parmi celles qui étaient là à 7h05 quand on a débuté l'émission ce matin, dans les bureaux, là? T'étais pas dans le groupe? Il y en avait plein dans le groupe. T'étais là? Parfait. Oui. Ouais, il est tard, hein? Ouais. Ouais, yeah. Donc, on débute, comme on disait, avec Sago en 20e place francophone. Voici le nouvel extrait, Une vieille taupe. Tu l'aimes, celle-là, je pense. Moi, je l'aime bien. Mais j'aime tout l'album. Ouais. Mais c'est très différent de l'autre extrait qu'on avait. Ça a l'air plus enjoué que Piano Mal, mettons. Oui. Ouais. Ben, bonne émission. Hein? Ben, toi aussi. Ben, merci. Ben, oui. OK. Une mine sale mine, une mine de ferraille. Une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe. Une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe. Et quand la cloche sonne pour manger le bourguignon, ses compagnons résonnent et lui font péter les pots. Ça détonne, il retourne dans les baffes. C'est à 10 000 pieds sous terre qu'il a construit sa maison. Une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe, une vieille taupe. Et c'est avec les vers et les petits fourmilions qu'il dormit sans peine. Comme un vieux garçon. Une mine sale mine, une numéro 20. Nouvelle entrée. Je suis en campagne pour faire de l'ouvrage. La raconte à moi. 19. Nouvelle entrée. Bloc composé de nos quatre nouvelles entrées cette semaine. Ça, c'était Grimes avec Oblivion du côté anglophone en 19e place. En 19e place, du côté francophone, c'était Lidl Howard Chuck avec la pièce Facebook. On s'en a entendu les 20e, Revolver en anglophone avec Winsong. Et du côté franco, Sago avec Une vieille taupe. Je me suis renseigné un petit peu sur nos deux nouvelles entrées anglophones, étant donné que les franco, ce sont des retours pour les deux. À côté anglophone, c'est deux groupe dont j'avais jamais entendu parler, moi personnellement. Moi non plus. Grimes, qui est Claire Boucher, une musicienne basée à Montréal. Et c'est Stéphanie Gagné qui nous a fait découvrir ça dans sa chronique Top Plat Favori cette semaine. Okay. Alors que Revolver, c'est un groupe français de pop formé à Paris en septembre 2006. Oh! Alors, on va continuer tout de suite avec un autre bloc de pièces, mais pas de nouvelles entrées cette fois-ci. On va entendre là-dedans Medicaïen Club, Charlie Winston et The Ketamines, mon début en 18e francophone. Avec le groupe Neuron et sa pièce Chambord qui redescend. Non, pas en tête. Hey, je suis plus habituée, hein. En tout cas, qui passe de la. Hey, je suis mêlée. mêlée. Un peu, je connais plus mes colonnes. Ça descend de la 7e à la 18e. Ah, c'est ça, ils descendent. Voilà. OK, parfait. Merci. J'ai hâte de pouvoir dire à un moment donné qu'elle prend le champ bord, mais on veut pas qu'elle s'en aille en même temps, ça. Après le champ bord. Le temps de réaction aujourd'hui, là, c'est pas évident. C'est ça. Et il faudrait pas que je te mette une règle entre les mains, hein? C'est le test du réflexe. Non, j'ai aucun réflexe. C'est sûr que si tu me tapes sur le genou, tu penses que je suis morte, là. Certain. Vous êtes au palmarès, c'est fou, 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Too long. never she. And then I have to face up to the facts, with saxophones and old trombones carrying me home to say hello. Alone, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Charlie Winston et la pièce Hello Alone. J'adore donc cette pièce-là. C'est la position numéro 17 anglophone. Ça monte de deux places. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, en 17e place, c'était Midi Cayenne Club avec la pièce Au Canada qui descend de 12 places. Mm-hmm. Avant, on a entendu les positions 18 en anglophone. C'était The Ketamines avec Teenage Rebellion Time. Aussi une nouvelle entrée la semaine passée, mais cette fois-ci, elle monte de deux places. Et du côté franco qui descend de 11 places, c'était Neuron avec la pièce Chambord. Et voilà. Je me suis amélioré dans mes calculs mentaux. Pas pire, hein? Une fois que tu prends des notes, ça va. Ouais. C'est comme à l'école, ça. Mais ça faisait trop longtemps. Ça faisait comme 3 semaines, je pense. C'est vrai. Mais ouais, longtemps. C'est vrai. Donc, on va continuer avec un bloc spécial. En fait, spécial dans le sens qu'il n'y aura pas grand-chose dedans. On fait un bloc de 6 places, mais on en fait jouer 2. Donc, c'est comme un bloc 2 sixièmes. Donc, 2 sixièmes, c'est comme un tiers, si on veut. Ça a de l'allure, ça. Ouais. On a choisi chacun notre bar du côté francophone parmi le groupe qui comprend Gasoline avec Gasoline en 16e, avec Podcast et Talent en 15e, et Salomé Leclerc avec Garde-moi collé en 14e. J'ai choisi avec Podcast. Mais cool! Mm-hmm. Du côté anglo, est-ce que tu veux faire le même principe un peu? Nous allons passer par-dessus Duchess 16 qui est en 16e place avec la pièce Narcisse et par-dessus The Jezebels avec Tricolor qui serait qui est en 15e en fait. Et nous allons quand même écouter The Bar Brothers avec Big Air in the Morning. Et voilà! Big Air, quelque chose comme Bigger, ça. Big Air in the Morning. Big Air! Ouais. En espagnol, là, c'est... Mais oui. Écoutez, le Loco Palmares. Palmares Loco. Loca. Je sais pas si tu m'as... Los. Los Palmares. Palmares. Loco. Los Palmares. On demande à quelqu'un qui parle en espagnol mieux que nous autres, hein? Oui. Bah, Maria. Maria Caliente Pedro Mantides. C'est ça. Oui. Yeah. Ouais. accidents et les rêves qui dévorent les âmes. Toi as-tu ce talent? Toi as-tu ce talent? Et tu as ce talent? De lesbiennes que de gens de couleur, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être un hasard. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Numéro 14. In the morning, I'm a king at night, my belt is loose. loose my trigger is tight. They come without warning, at the speed of light. Make it shine so pretty, make it shine so The Bar Brothers en position numéro 14 stable du côté anglophone. Et juste avant, on a entendu avec podcast qui est la pièce de talent qui descend de 9 places. Wow! Hein, c'est bon ça. On a aimé les deux pièces. Oui! Hein? Oui. C'est comme le petit moment zen. Ah, c'est vrai que c'est relax. Quand même. Oui. Donc ça, c'est un bloc de deux pièces. Et là, on va faire un autre bloc de deux pièces. Donc oui, le mythe est faux. On ne fait pas que jouer 4 pièces de suite tout le long de l'émission, même si c'est ce qu'on fait souvent. Souvent. Mais là, deux fois de suite, deux blocs de deux pièces, voilà. Donc, du côté anglophone, il y aura Steve Hill avec la pièce Burnt sur l'album Whiplash Love. C'est stable en 13e mois. Mais juste avant, on pourra entendre Galaxy avec entre la lumière et le bruit, dis-je, qui monte de 6 places. Vous écoutez un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est les palmarès, c'est fou. Vous écoutez ça? Ça, là. Cette musique-là, on écoute ça, là. Galaxy, là. J'écoute. Oui. Enfin, c'est moi, quelqu'un. Trop loin. We'll be right back. numéro 13. Burnt, stable en position numéro 13 anglophone. Et juste avant, on a entendu Entre la lumière et le bruit du groupe Galaxy qui est là depuis 2 semaines. On skip quelques minutes, pas des semaines, ça va être super court, ça va être très très court. Comme bref intermission, écrément. Hey, failli faire une faute de féminin, moi là. Faut se faire attention. Je cherchais le jeu de mots, j'étais sûr qu'il allait en avoir un, ça fait longtemps que. Oh! Ouais, ça s'en vient. On vient tantôt avec les Breastfeeders, les Revenants, Plants and Animals, Dr. Dog, Library Voices et Simon Kingsbury. On a aussi la chronique Les Tartines de Justine. Ouais. Et juste là, ça s'en vient. J'ai faim en plus. Je sais pas si c'est bonne pour partager. Elle est pas convaincue. Je pense qu'elle va la garder pour elle. Ouais. Mon petit gars. vous êtes assez fou pour l'écouter. Deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 12 au 18 mars 2012. Jasmine Raymond Drainville, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mathieu Plante, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah ben. Maintenant, c'est nos noms. Justine Renaud vient d'arriver en studio, bonjour. Bonjour. À vous deux, allô? Bonjour à toi. Bonjour. Bon. Tu restes en manteau, t'as pas extrêmement chaud dans notre merveilleux petit studio intime? Oui, mais là, j'ai même pas le temps de m'installer, que vous me garochez déjà sur le micro. Voilà. Mais ta voix est si soyeuse. Non, mais écoutez, écoutez ça, là, je me déshabille. Hey, wow. Scrunch de velcro. Zip. Wow. Je suis tout nu, là. C'est faux. C'est faux. Un trench coat que se portait, un trench coat jupé? Non. Est-ce que t'as des montres à vendre ou des DVD? Non. Mais ça fait des juste... Des DVD, c'est des montres. Non, mais en Chine. En Chine, ils vendent des DVD. Dans les rues, arrêtez de m'affaler. En Chine, dans les rues, ils vendent des DVD. T'as déjà été en Chine? Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai lu ça, moi, sur les différents internets. Je vais dire, j'ai lu ça sur TVA. En tout cas. Ah, TVA, il a des informations, c'est... Oui, c'est ça. On n'en parlera pas trop longtemps. Avec Kim Jong-2. Kim Jong-2. OK. Donc, on va entendre un bloc composé des 11e et 12e places. Il va y avoir là-dedans les Breastfeeders, Plants and Animals et Dr. Dive. On débute en 12e francophone. Avec Les Revenants et la pièce Beau Danseur qui monte de 4 places. Ouh, et on écoute ça sur les ondes de quelle station de radio? C'est fou! Ah, wow! On crie pas dans mon studio! Hey! It's always unsteady. There's an elephant.

what they could do. I had to try it again just to give it a second chance. But it tore out my soul. Passed out, crashed out on a mat. And that was the end of that. Lately, I've been such a drag, all down in the dumps, man, moping and dragging my feet, coping with a life of luxuries, focus on my defeats, and all the things it sucks to be, like the great one said, it's a crockroach crowd, it's, and that was the end of that. Here we go. Wait, don't go. No. You distract me so, you make it so easy. You hide in the scenery, in your vintage jewelry, like some fucked up bumblebee heading for the potpourri of the ladies' room. Wait, don't go. You turn me on so with your beasting lips and your pepper grinder hips, like a thread and a needle. We're just typical people. We're hoping to be friends, do cool stuff, and be equal. I think that's where it's at. Can we just say that that, oh, was the end of that? Of that. Le Plants and Animals en position numéro 11 stable du côté anglophone. Juste avant, c'était les Breastfeeders avec Poupée à dormir debout qui monte de calcul mental 6 places. Ça a pas mal changé. Le vote de grève a eu le meilleur de toi. Je te dis là. Fatigué? Non. À peine. À peine. Check-moi la face. Et boy. Et ça en est jusqu'aux pieds. Ça en est jusqu'aux pieds. C'est une grosse tache brune. Non. Non, mais c'est pas méchant en termes de cerne. Oh, laisse faire. C'était méchant, mais c'était pas vrai. On a aussi entendu nos 12e position du côté anglophone de Dr. Dog avec That Old Black Hole qui descend de 6 places. Et du côté franco, Les Revenants avec Beau Danseur qui monte de 4 places. Bon, c'est dit, on écoutera d'autres palmarès plus tard, mais pour l'instant, enlevez les bananes de vos oreilles. C'est les tartines de Justine. Hey, tu fais pas ton solo. Petit fait cocasse, oui? No Doubt fête ses 25 ans d'anniversaire. Évidemment, c'était du No Doubt qu'on écoutait en intro. Oui, là. Excusez-moi. No, ben là, connaissez vos classiques, allô? Oui, No Doubt, cette chanson-là qui était sur leur premier album. Oui. 25 ans. Superbe, ça. Ben, Gwen Stefani, là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Je sais bien. Mais quand elle était petite, j'ai vu une vidéo, je sais pas, là, parce que je suis amie avec eux autres sur Facebook. Puis quand elle était petite, elle avait vraiment une petite voix aiguë. Là. C'était ben, petite dans le sens de peut-être 17 ans. Là, mm-hmm. Parce qu'elle a commencé à son adolescence dans le groupe. Puis c'était atroce, c'était vraiment poche. Bref. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, c'est pas peut-être le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'Ariane Moffatt, ouais. Une ouais. artiste que j'apprécie de plus en plus avec la sortie de nouveaux albums. on répète ça, comment? Un nouveau album. Un nouveau album. C'est nouveaux albums. Sa nouvelle album, là, comment on appelle? Une album. Un album. Un nouvel album. Aussitôt qu'il y a un 7 et qu'il faut faire une liaison 7 albums, tu sais, les gens pensent que ça devient féminin. Non, j'ai pas dit juste la rajoute des Z partout. Non, j'ai pas. J'ai dit un nouveau album. C'est nouveau. Non, non, c'est bien. Tu te réécouteras des toilettes, là, demain. Non, minute, là. Ah, là, c'est pas. On va dire que j'ai fait une faute ici, puis je suis désolée parce que d'habitude, j'essaie de pas en faire. Alors, tout ça pour dire qu'Ariane Moffatt, effectivement, si vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas de cette planète, elle a sorti son album dernièrement, M.A., que j'apprécie vraiment beaucoup, mais avant, un petit peu d'informations au sujet d'Ariane Moffatt, qui, effectivement, est une auteure, compositrice et interprète pop-rock canadienne. Née le 26 avril 1979 à Saint-Romuald. Qu'est-ce que c'est ça, Saint-Romuald? Aujourd'hui, c'est des vies. Moi, je le savais pas. C'est Wikipédia qui me le dit. Alors, tu sais, pour dire qu'elle a fait vraiment beaucoup d'études dans la musique, en commençant par un diplôme d'études collégiales en musique au cégep de Saint-Laurent en chant jazz. Et un baccalauréat à l'UQAM en musique populaire et chant classique. Bref, elle a tout un arsenal pour ensuite pouvoir écrire de merveilleux albums et on voit la différence entre, je voudrais pas me nommer aucun artiste qui passe à des radios populaires, là. Mais non, on s'entend que ça sert à quelque chose d'étudier en musique. Hein? On voit que ça sort de très beaux, de très belles mélodies. Zzzz. Alors, elle aura dans son parcours suivi Marc Berry, Daniel Bélanger, un peu comme claviériste, choriste. Et elle a décidé de voler de ses propres ailes en faisant une première partie de Daniel Bélanger, qui par la suite a vraiment très bien lancé son affaire. Ariane Moffatt est co-réalisatrice de ses albums, puis elle fait pratiquement tout elle-même. Et pour Emma, c'est d'autant plus vrai, elle était presque quasiment seule. Et c'est vraiment quelque chose à lever son chapeau à. Ça non plus, ça se dit bravo. Pas. Corrige-moi. Mais en fait, je suis en train de me demander, je crois, si je ne m'abuse, qu'on doit prononcer le... Ma. Ma. Ouais, ma. C'est un mot en tant que tel. C'est ma, c'est japonais. Ouais, c'est ça. Mais je ne me rappelle pas ce que ça veut dire. Ça veut dire un espace entre deux, je ne sais plus trop deux quoi. Deux notes ou deux quelque chose musical. Un espace musical. Entre deux, je peux aller regarder. Je te remercie beaucoup de me corriger, là. C'est vraiment important. Là, notre. Ma de corriger ça, moi. Ma de corriger ça. C'est parce que je l'ai vu l'émission de Tout le monde en parle lorsqu'elle passe. Puis à chaque fois, je suis comme, voyons, elle a-tu dit ma ou Emma? Fait, à chaque fois, je me dis, tu sais, si je dis ma, j'ai-tu de l'air plus conne que si je dis Emma, puis c'est pas ça. Prononce-le ma. Ma. Oui, ma, effectivement, que c'était le mot japonais que. C'est ça. Mais t'as tout à fait raison. Est-ce que tu as trouvé, Jasmine? C'est ma. C'est ma. Non, je me rappelle, c'est ma. Ouais, c'est un concept japonais qui veut dire une expérience sensorielle du vide en tant que substance. Le vide comme matière à ressentir, à contempler, à entendre. Oui, le vide comme matière, bien sûr. Tout le monde sait que le vide est plein de matière. C'est pété, mais c'est ça. T'as tout à fait raison, là, ça me revient. Je sais pas dans quel état j'étais quand j'écoutais cette émission-là, là, mais moi, elle m'a dit, elle a fait son. Ben, pas. Elle s'est pas outée là, en tant que lesbienne, là, mais. Moi, c'est la première fois que ça confirmait la chose. Ouais. Fait que là, après ça, j'avais juste ça dans la tête. Fait que j'écoutais plus le reste de l'interview. Je mets trop. Moi, ben, Ariane Moffatt est lesbienne. Irrésistible. Bon. Alors, pour dire, moi, je le savais. Je le savais depuis toujours. J'avais un good feeling. Ariane is gay. Anyway, elle a, parmi ses influences, une artiste que j'adore beaucoup, beaucoup, Tori Amos, fameuse pianiste rousse. Ben oui, mais ça. C'est important de dire qu'elle est rousse. C'est une rousse artiste et non pas une artiste rousse. Ben, c'est une folle rousse artiste. Aujourd'hui, elle fait des albums médiocres, là, mais dans son temps, c'était vraiment très, très, très, très bon. Mm-hmm. Et Ben Harper, mon monsieur. Les lunettes, oui, oh, il est tellement fabuleux. Les Relentless Seven. Oui. Elle aime aussi Philippe Catherine, c'est-à-dire la banane. J'ai misère avec ça, moi, Philippe Catherine, mais bon. Ben, je sais pas. Là. Il est parfait. Ouais. Je le trouve vraiment parfait. Je trouve ça succulent. Ben, on fera pas un vote de grève là-dessus, mettons, parce que je suis pas sûre que ça va passer. Alors, elle compte dans sa discographie présentement ses quatre albums, je pense, avec le premier étant Aquanaut, qui a vraiment été très bon, à mon avis. Le deuxième, à La Station C, qui est en fait un DVD accompagné d'un CD. Ça, j'étais même pas au courant que ça a sorti, et je me sens vraiment gênée de vous dire que je me trouve inculte. Et Le cœur dans la tête. Ah, non, c'est cinq, ça fait. Le cœur dans la tête, Tous les sens, et son dernier, Ma, étant le vide comme une matière à ressentir japonaise. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la chanson que je vous fais écouter, c'est L'homme dans l'automobile. Et pourquoi je vous fais entendre cette chanson-là, c'est parce que c'est vraiment pas une des plus connues sur l'album. En ce moment, on parle surtout de Too Late ou encore Mon corps, ces chansons-là. Ouais. Sur la première, c'est Mon corps. Exactement. Sur la première, c'est Franco. C'est une super chanson. Assez souvent, oui. Fait que je voulais pas jouer Mon corps parce que là, comme tout le monde commence à la connaître un peu, on a son le vidéoclip qui est assorti avec qui est ma foi un peu bizarre. Je suis pas sûre que je l'aime d'ailleurs, mais je suis pas très vidéoclip à la base. Mais ça pour dire que moi je veux écouter L'homme dans l'automobile, qui d'habitude a une espèce d'intro de 1 000 milliards d'années avec des petits bruits puis des petits bouts de piano en background. Ça peut peut-être illustrer le vide et l'expérience sensorielle de la matière contenue dans ce vide japonais. Et on l'écoute à l'instant. Mathieu. Ça représente peut-être aussi l'attente à un feu rouge quand t'es dans la voiture. Ça se peut, mais vraiment, il y a quelque chose, cette chanson-là. Un train, quelque chose. On va l'écouter d'ailleurs. L'homme dans l'automobile de Ariane Moffat. Noir, mes yeux roulent encore. C'était L'homme dans l'automobile d'Ariane Moffatt et on va aller à la deuxième chanson du palmarès francophone, juste parce que c'est exactement dans la même veine. Et je vous avais dit que j'avais pas choisi la chanson Mon corps parce que je joue déjà beaucoup, mais puisqu'on y est, on va la jouer. Ça te tente-tu, Mathieu? Moi, je l'écouterai tout de suite, même si c'est le numéro 2, comme tu dis. Let's go, numéro 2. On suit même plus les règles. Mais non, rebelle. Rebelle, rebelle. Comme Ariane. Mon corps. Quoi faire avec mon corps? Le coucher tôt, le lever tard, lui faire faire le sport. Quoi faire avec mon corps? L'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort? Quoi faire avec mon corps? L'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir? Quoi faire avec mon corps? Le faire courir ou méditer, le garder vivant ou lui donner la mort? Je vieillirai avec, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai, à quoi bon le laisser flamber? C'était Mon corps d'Ariane Moffatt. Très bonne chanson sur son dernier album, Ma. Oui, Ma. Ma. Wasabi Ma. Je vais tout être mêlée, moi, rendu au numéro 2. Je vais dire n'importe quoi. Oui, ben c'est ça. C'était le numéro 2 du palmarès. En fait, on a bypassé toutes les règles du code statut Drainville et règlement de la radio. Le code Drainville. It's a fart. Ouais. Alors voilà, Ariane Moffatt que j'adore. Et d'ailleurs, qui fait pas vraiment beaucoup de spectacles. En tout cas, dans la Mauricie, elle fera pas de spectacle. Elle a pas sorti de spectacle. Là. Moi, je suis un peu déçue. Là. Elle s'en va genre à Austin. En ce moment, elle est à Austin. Ça se peut-tu? Au Texas? C'est Austin, ça qui Texas. Était écrit. Austin, oui. Texas. Mais Fanny Blue aussi est là. Mais non, mais je l'ai fait. Là, j'ai fait mes recherches. Ah. Tu peux y aller. Mais c'est juste écrit Austin. C'est pas écrit Texas. Bon. Là, je suis en train de me dire, y a-tu un... Austin, Québec. Au Québec, quoi. Austin, Lac-Saint-Jean. Hein, Austin, ouais, genre. Ouais. Je sais pas. Ashton, Poutine. Ouais. Bref. Bref, merci. Oui. Moi, Ariane Moffatt, je l'aime bien. Ben, on aime ça, nous autres aussi, puis on est contents que tu nous en parles un peu. Bon. Ben oui. Je sais que ça, c'était pas très hot, là, avec... j'arrive ici à moitié préparée. Parce que j'ai pas dormi de la nuit à cause du vote d'Aïe. Non plus. Ouais, c'est pas vrai. Moi, j'ai dormi un petit peu, puis je me suis levée à 1 h. De l'après-midi? Oui, 1 h de l'après-midi. Wow! OK. Oui, ben. Je sais. J'utilise pas la levée de cours à bon escient. Non, hein? Je suis désolée. Mais mon cours, il était à midi quand même. C'est comme j'ai juste 1 h de perte. Sur ma conscience. Oui. Non, mais dans ça, je suis pas allée à mon cours. Wow! Mais t'aurais pas vu de toute façon, il y a une levée de cours. Non, c'est ça. Non, le prof, il se pointera pas. Là. C'est ça. Bon. Mais je pense pas. Fait que t'as dormi. Ouais, j'ai dormi. Mais non, mais c'est ça. Mais j'aurais pu, tu sais, comme à la place, je sais pas, aller manifester en avant du bureau de Jean Charest. T'aurais pu. Oui. Bon. Pour fin de la parenthèse ici. Passons à autre chose. On te retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique Tartine de Justine. Pour ça, il faut que je me perde, là, pour me retrouver. C'est ça. Bon, mais je vais aller me perdre. Bravo. Je pense qu'il te reste une petite demi-heure à passer avec nous, quand même. Oui, c'est ça. Petite. Et après ça, tu me sacs d'or. C'est à peu près ça. Ouais, mais non, mais mettons, donne-moi 24 minutes parce que le temps que je me rende, il était 31. Donne-moi 5 minutes pour me rendre parce que c'est au sol de l'IRH. C'est facile. Je m'en vais pas à aucun cours, là. Je m'en vais à une assemblée générale. Mathieu, trop pas sympathique, il me dit, Jasmine, tu devrais aller te coucher. Non, ouais. Mais t'as pas. T'as, c'est pour ton. Je pense qu'il va animer tout seul. Non, c'est ça. On va te laisser faire des. Je dis n'importe quoi. C'est pour ça que je t'en ai. On va te laisser faire des jeux de mots. Autant que tu veux. Seul. Tu vas pouvoir les auto-rires. Comme dans un mauvais sitcom. Oh boy. Ouais, c'est comme dans Radio Enfer. Une mauvaise sitcom, hein. Une comédie situation. Hein. Non, c'est un sitcom. Là. Non, une, c'est une comédie. Tu me diras pas que c'est un comédie. Non, mais c'est pas. Non, mais là, on a abrégé des lettres, mais... des mots. Puis en soi, c'est une entité différente. Il va dire les mêmes choses. C'est une nouvelle entité. C'est un sitcom. Hey, sur Majesté, pas. Juste rien aujourd'hui. C'est pas de là vos le tech fée. Une sitcom. Écoute, j'ai fait mon tech fée, là, puis j'ai tout oublié. Non, mais c'est correct. C'est important. On a besoin de professeurs qui oublient. Voilà, donc, oublie leur notion de France. Oublie-moi comme prof parce que je serai pas prof. Tu seras pas prof? Mais non. Hey. Et on est parti pour une autre parenthèse. C'est ça, non, OK. Wow. C'est pour ça qu'on skip tout le temps plein de chansons. On va sauter du tout à cause de la conversation. J'espère que j'ai pas frappé une corde sensible. Mais non, pas à tout, arrête. OK. Mais non. C'est parce elle que qui a fait une corde sensible. Trop de morveux? Hein? Sérieux, je suis à cause des morveux? Mais non, j'ai même pas fait mon stage encore. On en parle une autre fois, OK? On parle une autre fois. Déprime la peau, elle est déjà fatiguée. Oh, je suis désolée, Jasmine. Tout à l'heure, quand tu as parlé au micro, j'avais juste le goût de crier « Jasmine! » Elle m'a dit « Décorum! » ou « Décorum! » comme le nouveau sacre. Là. Décorum. En tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle. C'est bien que tu l'aies utilisé la presque avec un vrai sac. La présidente d'assemblée, comme « Décorum! » Mais c'est comme... pas un sac? Non, je sais. OK, c'est ça. Mais ça sonnait comme à la place de dire « Décorum! » Elle a dit décorant. Quand c'était tu vraiment suis ça, on le comprend quand même. Ouais, non, mais ma mère, elle l'a pas entendu. Okay. C'est ça l'important. Elle est très. Elle s'est mis sourde, tu sais. Lourde de moi, c'est ça. Les petits chuchotements, elle les entend pas. Voilà. Okay. Passons à autre chose. Go. Ça fait combien de fois qu'on dit qu'on pense à autre chose? Alors, on est rendu pour ça numéro 10. Du côté anglophone, il y aura Library Voices avec Traveler's Digest qui monte de 2 places. Et du côté francophone, Simon Kingsbury avec Feu d'artifice qui monte de 5 places. Au 89 FM. Si les femmes arrêtent, c'est fou. Allons-y, let's go. Hein? Allumons l'allumette. Pour le feu d'artifice. On s'y croirait. Les deux pieds dans le chantier, tu façonnes ton avenir. Tu recules, t'en as assez pris. fait peur pareil. Regarde les gens sortir au loin, excités par ton dernier refrain. Pyrotechnique, tu fermes les yeux. Rien à faire, faut juste donner avant de tout faire péter. Prendre une chance, une autre pour la loge, avant de partir en fumée. C'est fou pour l'écouter. 89 1 numéro 10. Traveler's Digest par Library of Voices qui monte de deux places en 10e anglo. Et avant, on a entendu Feu d'artifice de Simon Kingsbury qui montait de 5 places et qui est là depuis 3 semaines. C'est des feux d'artifice, ça? Oui. Non, moi, je te dirais plus. Oh! Wow! Ah, c'est une madame fatigante, là. Il y a tout le temps une madame fatigante. Non, mais tu sais, même les ceux qui sont vraiment lettres, pouettes, là. Hey, hey, hey, wow! Ah, tu parles des non, pas les madames, les feux d'artifice, regarde. Moi aussi, je pensais que tu parlais des madames. Ben non, mais là, on les feux d'artifice. C'est comme si c'était un commentaire un peu gratuit, ça, j'assume. Ouais. Ben non. Ça coûte rien, Fantine. J'aurais pu dire ça à des personnes qui allaient au micro hier. Pendant la. Hey, wow! Pas, là. Non, je parle pas de Jasmine, là. Non, mais tu sais. Hey, le monsieur là, qui parlait de sa solution gagnant-gagnant. N'en parlons plus. Okay, parce que personne n'est en contexte. On n'en parle plus. C'était quasiment, okay. Sérieusement, j'ai trouvé ça divertissant, mon moment. Ah ouais. On n'en parlera plus. Surtout les gens qui couraient en haut. Oui, ben, il y avait des gens qui n'étaient pas étudiants qui couraient en haut oui. Sur la piste de course, finalement. Oui. Oui. Ouais. Bref, go. Super, c'est je suis désolée. C'est j'aime ça ouvrir des parenthèses, puis j'ai de la misère à les fermer. C'est mon ça. Gros défaut. C'est pas nécessaire de les fermer, on fait juste à un moment donné par ça. Mais la fois, c'est des parenthèses carrées. Comment t'appelles ça? Des crochets? Crochets, des crochets. Ah, des crochets, des guillemets, des parenthèses. Guillemets français ou guillemets anglais? Oh oui, oh. Mais je préfère les anglais. Non, pour vrai, non, je préfère les français. Je suis pas capable de faire des français sur mon ordi. Ah, arrête donc. Oh. T'as un Mac? C'est mais Alt, oui. puis C, puis V, je pense. Non, dans ces coins-là. Ah, regarde. Cette parenthèse, pour une fois, était de gracieuseté de moi-même. Hein? Gracieuseté de toi-même. Oh. On va faire un petit bloc de quatre positions, en fait de deux positions, mais de quatre pièces. On va entendre là-dedans Funambule, Elliot Brad et Wood Pigeon. On débute avec la 9e Franco. Qui est ma préférée? Hey! Qui est Madeleine du groupe Mauve qui descend de cette place. Oh. On leur dit tranquillement au revoir et je vais pleurer en me couchant en boule dans un coin. Mm. Bon. Colin, c'est triste. Hein? Oh. Déprimant un peu. Hey, c'est les palmarès, c'est fou. Mais oui, ça c'est le fun. C'est fou. Madeleine, tu fais de la peine quand tu embrasses les autres garçons. On fait des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'invité à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants? Madeleine, elle veut que tu s'aimes en hiver. Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en engelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Numéro 9. Which one? vos oreilles. 89.1 FM. Moi qui m'étais trouvé une musique super déprimante pour annoncer le départ de Justine pour cette émission. Finalement, c'est pas mal ça dans la chanson aussi. Hein? T'as changé le micro, toi, sans me le dire? Salut. Mais je me suis, c'est que j'ai dû me tasser d'une place. Qu'est-ce qu'on va avoir une nouvelle personne? Mais on le dit pas de suite. Okay. Ça va être quelqu'un qui va me remplacer. Mais non. C'est une farce. Ça va pas pour toujours. C'est une place, c'est une farce. Hey, mon Dieu, que je déparle aujourd'hui. Hey, je suis désolée. Pas facile, hein? Je vais me reprendre dans deux semaines. Ça, Stéphane Ambu, il nous reste une pièce à entendre, c'est celle d'Eliott Broad, If I Get Old, mais c'est ça, on dit au revoir à Justine pour aujourd'hui. Oui, je vais aller me cacher pour qu'on me retrouve dans deux semaines. Comme Ben Laden? Ouais, un peu. Les gens qui me cherchent avec des lance-missiles puis des affaires de même. Là. Bon. C'est ça ma musique triste en passant. Mais je l'entends pas, j'ai pas mis musique toi. J'ai une petite larme. Oh! Mm. Oh, wow! Mais je vous dis à dans deux semaines. Bye. Ça fait un plaisir de vraiment très déparler puis dire des Emma à la place d'Emma puis de plein d'affaires. Puis de manger plein de toasts. Puis... J'ai pas rien mangé. Mais non, mais si tu parlais des tartines. Ah, okay. Les tartines, c'est pas toasté, hein, c'est ça? Non, c'est pas toasté, c'est ça l'important. Sinon, ça s'appelle comment? Une toast, je pense. Ouais. Une rôti. Une rôti, excuse-moi. Excuse-moi. C'est pas un rôti? Non, mais un rôti de quelque chose, mais c'est une rôti, tu sais, ta tranche de pain que tu mets dans ton grille-pain. Puis t'as le chanteur aussi, là. Il s'appelle comment? Rôti? Pavarotti. Pavarotti. Je pense qu'on serait mieux de l'entendre la musique. Ouais. Hey, tantôt, invité spécial. Hein? Plus maintenant, puis vraiment spécial et comme rendu régulière, mais spécial pareil. Ouais, spécial pareil. Et Phil. Oui. On l'aime. Ça fait 5 secondes, je la connais, mais... Licheuse. Ah, ouais. Non, non. Oh. Get stressed along the road and buried under all they've come to know. Living fast. This wilderness won't last. These days just blow away into the past. If I get old, I'm living easy. Find a nice old country home. Let the land do what she wants to. Leave her wild and overgrown. And when I'm sure my days are numbered, find a nice place in the fields and thank that little voice inside my head for such good company. Ariel Brad et la pièce If I Get Old. C'est la position numéro 8. Ça descend de 3 places. Suite, hein? C'est la position numéro 8. Suite. La position numéro 8 du côté francophone, c'était Funambule avec L'Entre des Indécis qui monte de 2 places. Oui. On va revenir tantôt avec plein d'autres bonnes musiques des palmarès dans le top 7, mais pas au complet. Jean. On aura aussi la chronique de DJ Catardi. Drop the bass. Hein? Ça sent bien, ça. Yes. Salut tout le monde. Hey, salut. Bonjour. Salut. Puis, reste là, comme? Ouais, ben, Justine est partie. Je suis arrivée juste pour, comme, venir rééquilibrer le taux d'estrogène. Parce que. C'était pas assez, hein? Ben, non, mais t'en as beaucoup. Beaucoup de testostérone. J'ai passé beaucoup d'estrogène. J'allais dire, ben oui. C'était pas un compliment à date, là, ouais. C'était pas un compliment, mais non, t'as assez de testostérone pour compétitionner avec nous deux. Fallait que je vienne rééquilibrer le tout. Comme... La balance. Comme quoi? Comme une. H2O. Oh! Hey, crime, elle a remplacé une chimiste par une autre chimiste. Hein? Je suis une spécialiste des métaphores à Saint-Sam. C'est pas de la chimie, H2O, mais en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Hey, on vient! Restez là! Ah oui, c'est de la chimie. C'est de la chimie, H2O? Ouais, de là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Oh. Bon, attends, c'est la troisième et dernière heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 12 au 18 mars 2012. On va faire un petit tour de table des présentations. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Jasmine Grimond-Grainville. Et moi, c'est Catherine Hardy. Hey, Catherine! Ça va? Catherine! Hein? Quoi? C'est parce que j'essaie de différencier. Tu parles en espagnol depuis tantôt, là. Ah, j'essaie de différencier. Jasmine, Justine, Catherine. À un moment donné, il faut bien que, tu sais, je me fasse des petits reminders. Hein? Des rappels. Catherine. Catherine. Bon, laisse donc face. Catherine, t'as des feuilles avec nous? Tu veux nous aider à présenter le prochain bloc? Non? Okay. Bien sûr. On va sauter par-dessus quelques affaires. En fait, on va faire un bloc genre moitié. On va sauter par-dessus les deux septièmes positions, c'est-à-dire Marie-Pierre Arthur en franco qui monte de deux places et en anglo, c'est Los Campesinos avec Songs About Your Girlfriend. On va terminer le bloc par la sixième position anglophone et la sixième anglophone, DJ Caterdi. Ce serait quoi, mettons, la sixième position anglophone? Mettons, La sixième position anglophone, mettons. C'est... Holy Touch de Foxy Shazam. Superbe. On va débuter avec la position 6 franco, Jasmine. Qui est Brûle de On a créé un monstre. Collaboration incroyable. Moi, je me créerais dans une radio où on a pratiqué ça pendant 2-3 heures à l'avance. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Non. Étant donné que j'ai pas mis le CD avant de peser sur Python. Mais ça paraît pas du tout. Et encore une fois, Mathieu Plante, nous fait part de ses erreurs. On s'en rendrait pas compte, mais évidemment, tout le monde. C'est correct. Une transparence extrême, ça peut aider. C'est ça. Certains diraient, c'est ce qui fait son charme. Hein. Certains diraient ça. Moi? Ben, en tout cas, moi, je voulais juste dire que Foxy Shazam, c'est un beau nom parce que Shazam, c'est depuis le moment que j'ai compris que cette petite application existait, ma vie a été changée. Sérieusement, je ressens un plaisir intense à peser sur Shazam. Puis que là, ça me dise le titre puis l'artiste. Puis c'est de l'espionnage industriel à portée de main, n'importe quand. C'est Big Brother. Pour moi, non, mais je suis DJ, là, pense-y. De l'espionnage industriel, rapido, presto, comme ça. Amène ça, on aime ça. Et reprise. C'est parfait, je trouve, ça. Ouais. Un peu de réconfort pour terminer ce soir de mai. Un courant d'air siffle en traversant l'appartement. Pendant qu'un feu ravage le balcon d'à côté, un air de ronde dedans alimente le tourment. Brûle, brûle, brûle, la flamme brûle. J'ai mis de l'essence sur la s'éloigne lentement du toit comme des lucioles lourdes déçues d'un champ. Il faudrait sûrement que je pense à descendre, mais la pesanteur me retient sur le divan. Un délire franchit le périmètre, je ne frissonne pas. Maintenant, je suis lucide. numéro 6. WQRX, that was a new hit, but really? Oh, Foxy Shazam et la pièce Holy Touch au 89 FM, c'est des palmarès assez fous. C'était la position numéro 6 anglophone, ça monte la 15e. Du côté franco, c'était On a créé un monstre avec la pièce Brûle qui monte de 14 places. C'était en 20e la semaine passée. Mm-hmm. Foxy, ça prend par surprise à la fin, toujours. Hein? On sait jamais quand ça va finir. C'est ça. On va faire un petit bloc 3 quarts pour le prochain. On va sauter par-dessus East Road en 5e anglophone. On va par contre entendre dans le bloc Wintermits et Band of Scars. On va débuter avec la 5e francophone. Qui est une pièce de Audionaut qui s'appelle Sur les ondes. Et après ça, c'est DJ Catardi pour vrai? Ouais. On arrête de le dire, mais on le fait, hein? La chronique, là. Of course! Oui, ben oui. Pas de fausses promesses. Machine. vous dans nos oreilles. 89. We'll be right back. takes care of his own. Do you dare to speak his name? There's evil at the root. Cruel or kind, it's on your mind. Go on and give the dice a roll. Never did believe in saying fortunes are foretold. Easy come and easy they will go. Didn't you read it in the detail that if you're idle and you're welfare, now you wanna know an answer? But if you're dancing, you're a dancer. Didn't you read about it? Oh. The devil takes care of his own. Man of Skulls et The Devil Takes Care of His Own, stable en quatrième position anglophone. En cinquième, on a entendu. Je suis mêlée. Je suis vraiment mêlée. On a entendu Audio Nantes avec Sur les Ondes, en tout cas. Oui. On a entendu ça. Est-ce qu'on a entendu la quatrième? On a entendu la quatrième aussi? Franco, mais on n'a pas entendu la cinquième anglo, c'est ça qu'on avait sauté. OK, voilà. C'était East Road avec A Long Way to Go. Je suis confuse aujourd'hui. C'est correct, on le comprend. Longue journée qui se continue depuis hier, finalement. Oui, j'ai mis tout 48 heures. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on va parler avec DJ Catardi. Voici A Drop the Bass. All right. Fait qu'aujourd'hui, c'est tout simple. On va y aller bonbon. On va y aller avec une petite chronique hip-hop. Hip-hop! C'est bonbon, ça, du hip-hop? Il y a de la bonne bass dans le hip-hop. Bonbon amer, des fois, qui fait coincer les joues, là, tellement que c'est néga. Mais j'ai été vraiment dans quelque chose d'assez simple, d'assez... les grosses pointures du rap hip-hop en ce moment. Puis c'est des chansons qui s'écoutent bien. Je pense que ça va être... c'est des choix assez faciles. D'accord. La première chanson, ça va être Mac Miller, qui est vraiment une grosse pointure en ce moment dans le rap. C'est un des seuls blancs qui fait pas rire de lui en ce moment. Puis, avec Eminem, évidemment. Puis, la chanson, c'est Party on Fifth Ave, qui est une espèce de remix de la chanson Let Me Clear My Throat, qui a toujours été un gros hit party depuis les années 80. Là, c'est vraiment immanquable. Ça remplit tout le temps le dance floor, cette chanson-là. Le monde se tente juste pas. Puis le beat est quand même pas pire. Après ça, on va y aller avec Drake, puis Snoop Dogg et Wiz Khalifa. Mais avant ça, comme j'ai dit, Mac Miller avec Party on Fifth Avenue. Drop the bass, mais moins dans ce cas-ci. Mais est-ce qu'il y a de la bass pas mal, non? De la bass? Assez. I think I see where it's going this one, E. Hey, been around the world and back, yeah, I did that. Still kick raps that cause impact. So where my kids at? These motherfuckers hating, sounding funnier than Sinbad. I'm ill as the pills that they give you when you can laugh. This, that, the other, kiss your mother with that mouth. We the assholes that she warned you about. We just storming the house, open doors to a cloud. Got an assortment of style, just be sure to this well. 6:30 in the morning and there still ain't signs of slowing down. Twin sisters getting wasted, so they both are down. It's going down, thought I told you, man. If you trying to party, let me see you raise your hand. There's a party on Fifth Ave. If you tryna go, if you tryna go, I can be there in like 20. I'm a honkin' and come running, cause we gotta hit the road. We gotta hit the road. Make sure you got a clean shirt, clean pants, new shoes. Bring us what you buy there, you choose. And just party on Fifth Ave tonight. And that's what I'm trying to do. Hey, what's the difference between me and you? I know I'm believing you. I'm flyer than Beetlejuice. Don't count on the sheep to snooze. I'm fucked up off weed and booze. I party to sleep till noon. What everyday people do. So wait and see me in boots. Give me a week or two. See when you read the news, my bitches all sleeping nude. My rhyme talent is wild. My album is fly. Your favorite record, you gon' put it aside. It's that old school shit sounding good in the ride. And fuck 10, I'm only counting to 9. Said it's that old school shit sounding good in the ride. So let's head out to the party out there. There's a party on Fifth Ave. If you tryna go, if you tryna go, I can be there in like 20. I'm a monk and then come running, cause we gotta hit the road. We gotta hit the road. Make sure you got a clean shirt, clean pants, new shoes. Bring us what you buy there, you choose. And just party on Fifth Ave tonight. And that's what I'm trying to do. What's going on? There's a party. Hope the neighbors don't mind us getting loud. Homies to the left, all the ladies to the right. We came to get down, we gon' do that now. My light up shoes on, my light up shoes on, my light up shoes on. They love the way my kicks flash. This ain't the time to just sit back, cause there's a party on Fifth Ave. There's a party on Fifth Ave. If you tryna go, if you tryna go, I can be there in like 20. I'm a honkin' and come running, cause we gotta hit the road. We gotta hit the road. Make sure you got a clean shirt, clean pants, new shoes. Bring us what you buy there, you choose. And just party on Fifth Ave tonight. And that's what I'm trying to do. C'était Mac Miller avec Party on Fifth Avenue, cette reprise de Let Me Clear My Throat de DJ Kool Herc. All right, fait que maintenant la prochaine chanson c'est Drake et Lil Wayne. La chanson s'appelle The Motto et le motto en anglais ça veut dire la façon de penser, l'état d'esprit là, c'est ce qui se sort de cette chanson-là, en vrai, c'est qu'on vit juste une fois, fait qu'il faut en profiter. J'aime bien cette pensée-là, un peu carpe diem. Oui. Je l'avais même fait engraver dans ma bague de finissante au secondaire. Et oui, bague que j'ai perdue parce que c'est la vie, on perd tout. C'est ça. Choses comme ça. Mais Drake, c'est un rappeur qui est quand même bien implanté maintenant. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'aime, autant qu'il y en a qui sont vraiment down avec ce qu'il fait. T'es bon en Degrassi, en tout cas. Ouais, ben c'est ça, c'est un ex-acteur de Degrassi. C'est comme ça qu'il a fait son fame. Puis, mais j'ai déjà passé une soirée avec, surprenamment, avant qu'il blow up, là, il y a deux... Regarde la name dropper. Moi, j'ai passé une soirée avec Drake. Non, mais il était pas cool dans ce temps-là, dans le sens que mon amie, elle connaissait parce que elle avait déjà écouté Degrassi toute sa jeunesse, puis elle capotait, puis elle était sur le bord de, comme, vraiment passante à côté de moi. Puis moi, j'étais comme, bon, il a passé à la télé, OK. Ouais. Il y a bien du monde qui a passé à la télé. Ouais, c'est ça, tu sais, il disait qu'il voulait devenir rappeur. J'étais comme, bon, le monde va rire de lui. Puis non, finalement, il a quand même fait son bout de chemin, fait que c'est cool pour lui. Ouais. Lil Wayne, j'ai pas vraiment besoin d'en parler. On sait tous qu'il est quand même assez big shot dans le rap en ce moment. Puis, c'est ça, il va avec Drake, Lil Wayne, The Motto. Et après, juste après, ce sera une petite chanson de Snoop Dogg et Wiz Khalifa. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. Ooh. Oh, ouais, c'est une bonne chanson. Feel good à tous les coups. Puis, même si elle est quand même assez populaire en ce moment, je me permets de la mettre. On te laisse faire. Allons-y. DJ Catardi dans sa chronique Drop the Bass. Ooh, drop it good. Elle est partie, mais elle part pas. Elle est partie. Faites play. Oui. Drop the bass. Ben, on va écouter l'autre en premier, puis on viendra après. Ouais, pas de trouble. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. Hey, let me get a lighter, that's please. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Keep that in there. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. And look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it. Roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking grade so A. What we get drunk. So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, you know what? It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy is getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like Khalifa. Put the weed in the J. Hey. So what, we smoke weed? We're just having fun. So what, we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one, when you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun, so we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one. And we all just having fun. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. How we living, so what, we get drunk. So what, so what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah. High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you. All right, fait que c'était Young, Wild and Free de Snoop Dogg. Oh que oui. Hey, on a toujours de la misère à faire entrer Snoop, l'autre, celle qu'on a jouée, qu'on devait mettre en deuxième place, c'était qui? C'était Lil Wayne avec Drake. C'est quoi le nom de la pièce déjà, juste pour me rappeler mes souvenirs lointains? The Motto. Oh oui, ben oui. Puis, idéalement, la version qu'on devrait avoir sous peu, ça va être une petite version Moonbaton qui devrait être l'objet d'une de mes prochaines chroniques. On n'en parlera pas tout de suite trop, mais juste pour vous donner une idée, le Moonbaton, c'est un truc que j'aime vraiment. C'est vraiment un gros mélange de dubstep, de sonorité un peu plus caraïbe. Ça reprend souvent des chansons de hip-hop ou des chansons de dubstep, puis ça vient les remixer un peu plus... still booty shaking, mais encore là, c'est quelque chose que je me réserve pour un autre jour, pour une autre chronique. Mm-hmm, j'aimerais vraiment te trouver la version que tu désires et je la cherche. Mais c'est pas grave. Écoute, on peut écourter ma chronique aussi, puis juste y aller avec le palmarès classique. Mais c'était mieux... OK. Proposition, parce que je veux pas qu'on prenne l'éternité à se battre pour trouver la version, mais si je te joue la version standard sur l'album Take Care, est-ce que ça te va? Bien sûr. Pour cette fois-ci, d'accord. Bien, certainement. Écoutons-la à l'instant. Lil Wayne Drake. Y'all don't get it, do ya? Type of money, everybody acting like they knew ya. Go uptown, New York City, bitch. Some Spanish girls love me like I'm out with Duda. Tell Uncle Luke I'm out in Miami too. Clubbing hard, fucking women, they ain't much to do. Wrist playing, got a condo up on Biscayne. Still getting brain from a thing, ain't shit changed. How you feel, how you feel, how you feel? 25 sitting on 25 mil, I'm in the building and I'm feeling myself. Rest in peace, Mac Dre, I'ma do it for the Bay, okay? Getting paid, we'll holler whenever that stop. My team good, we don't really need a mascot. Tell Tune Light One, pass it like a relay. YMCMB, you niggas more YMCA. Me, Franny, and Molly Mall at the Cribbo. Shot goes out to Nico, J and Chubb, shot to Gibbo. We got Santa Margarita by the leader. She know even if I'm fucking with her, I don't really need her. Ah, oh, that's how you feel, man, that's really how you feel. Cause the pimpin' nice cold, all these bitches wanna chill. I mean, maybe she won't, then again, maybe she will. I can almost guarantee she know the deal. Real nigga, what's up? Now she want a photo, you already know though. You only live once, that's the motto, nigga. YOLO, and we bout it every day, every day, every day. Like we sitting on the bench, nigga. We don't really play every day, every day. Fuck what anybody say. Can't see him cause the money in the way. Real nigga, what's up? One time, fuck one time. I'm calling niggas out like the umpire. Seven Grams in the blunt, almost drowned in the pussy, so I swam to her butt. It's east side, we in this bitch. Wish a nigga would, like a tree in this bitch. And if a leaf fall, put some weed in that bitch. That's my M.O., add a beat of that shit. I'm fucked up, tore down, I'm twisted, doorknob. Talk stupid, off with your head. Nigga, money talks, and Mr. Egg, yeah. I'm so young, money, got a drum on the gun, energize a bunny. Funny how honey ain't sweet like sugar, ain't shit sweet. Niggas on the street like hookers, I tongue kiss her other tongue. Skeet, skeet, skeet, water gun. Oh my God, Becky, look at her butt. Don't she? Now she want a photo, you already know though, yeah. You only live once, that's the motto, nigga, YOLO. And we bout it every day, every day, every day. Like we sitting on the bench, nigga, we don't really play. Every day, every day, fuck what anybody say. Can't see him cause the money in the way. Real nigga, what's up, what's up? Real nigga, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Now she want a photo, you already know though. You only live once, that's the motto, nigga, YOLO. And we bout it every day, every day, every day. Like we sitting on the bench, nigga, we don't really play. Every day, every day, fuck what anybody say. Can't see him cause the money in the way. Real nigga, what's up? Et c'est ce qui conclut ma chronique. Oh, oui. Drop the bass. Drop, drop, drop the bass. Oui, tu l'as droppé en masse. Ça a mille morceaux. Hein? Mille morceaux. Ça éclate. On s'éclate ici en studio. Est-ce que tu joues de la musique? DJ de Catardi? Est-ce que je joue de la musique? J'ai tu joues de la musique, t'es DJ. Ouais, mais j'ai joué un peu de piano quand j'étais plus jeune. De la flûte, ça compte-tu? Oui, c'est un instrument de musique à part entière, pas mal. Oui, mais pas juste de la flûte comme au primaire, là, de la flûte traversière aussi. Ah ben oui, ça compte. C'est j'en sûr. Ai joué, ça compte. Ouais, ça compte. Bon, vous avez quelque chose en commun, c'est bien oui, ça. Oui, j'ai toujours rêvé de jouer de la harpe, par exemple. C'est vrai que c'est beau, cool, ça. L'harpe. Ouais. Ça ressemble un peu au petit bruit là, qu'il y a dans mon beat de fond d'intro. Là. C'est le fun, hein? Mais non, j'ai toujours rêvé d'être une nymphe qui joue de la harpe. Et une malheureusement, nymphe qui joue malheureusement de la harpe. Pour moi, je ne suis qu'une simple mortelle. Ouais. Mais. Qui ne joue pas de harpe. Talentueuse, mortelle et tout, là. Comment? On troque ça pour des tables tournantes. Peut-être que je pourrais me trouver une petite file avec la harpe un jour. Puis, ouais. Ça va pire, ça? Un petit peu de wiki-wiki là-dessus? Oui. Donc, DJ Catardi ou Catherine Hardy de son vrai et juste nom, là, son nom. Non, hein? Merci, Jasmine Harry de moi, là, j'essaie de mettre de l'ambiance là-dedans avec mon super côté charmant, gars qui dit n'importe quoi. Hein? Hein? Qu'est-ce ouais. qu'il y a? Mais rien. Harry, rien, je pense. On a un pas pire trio en ce moment. Ah oui. Jasmine. Moi, je suis au bout de ma vie en ce moment, c'est ça. Gagne de winner. Catherine Ed Hardy, Mathieu Laplante. On pourrait faire okay. des. On pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de mots plates avec ça, mais. Est-ce qu'on commence un dessin animé? Un dessin animé serait cool, quoi. Ouais, okay. Jasmine Lagaffe. Ouais. Oui. Oui. Est-ce que ça m'a dit, ami? Hein? Comme Gaston? Gaston ouais. Lagaffe? Ouais. Mais en fait, Facebook veut plus que je change mon vrai nom, honnêtement. Il ne veut plus que je m'appelle Jasmine Raymond Drainville. T'as trop il abusé. Il ne me reconnaît plus. Peut-être que j'écris trop de statuts sur mes gaffes aussi. Peut-être qu'il ne croit plus mon vrai nom. Ça se peut, je ne sais pas. Jasmine Lagaffe, Mathieu ouais. Laplante. Bon, okay. On va s'abstenir de dire qu'il est gelé. Don wow, Ed hein? Hardy. OK. Ben là, je pousse loin, mais tu sais, tant qu'à y aller dans les choses faciles, là. Ouais, c'est ça, dans les choses faciles, mm-hmm. dans les clichés, tu sais. Moi, on pourrait dire que j'ai un nom de douche. Tout à fait, douchette. Moi, j'appelle ça les douches-baguettes. En passant, ouais. les filles qui sont douches-baguettes, c'est les douches-baguettes, là, tout le monde sait ça. Ouais. Selon moi. Ben oui. Douche-baguette. Mm. Ouais. Mais moi, j'avais mon nom avant Donald Hardy, fait que ça me rend plus hipster. T'es comme hipster, c'est ça, exactement. T'es à l'avant-garde ouais. de tout. Donc, DJ de Catardi, on te retrouve à toutes les semaines ici dans les Palmarès. C'est fou pour un autre drop de bass. C'est exact. Okay. Tu restes avec nous un petit peu? Effectivement. Il nous reste encore un bon 19 minutes. Oui, on a juste assez de temps pour jouer le reste de notre palmarès. On va faire un petit bloc. En fait, j'appelle ça un bloc 3 quarts parce que d'habitude, tu sais, 3 pièces sur 4, c'est un bloc 3 quarts. Par contre, Ariane Moffat, on l'a entendu plus tôt dans l'émission. C'est pour ça qu'on la saute. Donc, dans le bloc, il va y avoir du Top Manga et Set the Well. On débute en 3e francophone. Avec David Giguère qui nous chante encore. Hey, c'est l'ancien numéro 1, ça? Mais oui. Eh ben. Je te parle, c'est fou. Bah, c'est fou. Toujours. Ben oui. Elle est née entre

c'est fou pour l'écouter. 89. Numéro 3. Topanga et Fogo Island, ça monte de 5 places en deuxième anglophone. Et ben, tout à l'heure, on a entendu en troisième David Giguère avec la pièce Encore, qui était l'ancien numéro 1, donc qui descend de 2 places. Oh. Ce qui veut dire que nous avons un nouveau numéro 1. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, par contre. Maintenant, avant de continuer avec nos numéros 1, c'est tout ce qui nous reste d'ailleurs, ben, c'est les instants classiques d'Assemblage Requis. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 12 mars 2012. Ouais, je vous souhaite de passer une belle petite émission.

Essaye donc de plugger le nom du groupe. Colin, ça a été numéro un plusieurs fois, ça, et je me rappelle que je fais tout le temps les mêmes jeux de mots. Faut que j'essaie de trouver autre chose que ça, mais j'en trouve pas. C'est comme si ces jeux de mots-là étaient tous partis. Ils nous avaient désertés, comme une île déserte. Islands. Mm-hmm. Je sais bien, mais là... Oh. Île, ça se traduit pas autrement que île. Hein? Islands. Mais non. Il y en a pas. Toi, tu peux bien parler, madame, je suis tellement endormie, asleep. Et tu oublies tout, Forgetting. Asleep and a Forgetting, c'est le nom de l'album de Islands. Quand même pas pire, hein? Ouais. Ouais. Mais je comprends, Kat, de ne pas comprendre, de devoir comme essayer de trouver le lien ou le jeu de mots, parce qu'elle est une apprentie. Une apprentie palmier. Apprentie guerrière, apprentie palmier. Palmier, pas mal. Moi, j'allais justement dire que je suis une guerrière de ne pas savoir dormir. Ou de passer au travers des palmarès, c'est fou avec moi. Aussi, mais de tes jeux de mots. Mais peut-être une nouvelle Amazon dans mon clan. Peut-être. C'est vrai. Tu t'es parti à un club des Amazones? Ben, je suis une Amazone qui veut se joindre à moi et bienvenue. On regardera ça. C'est une invitation officielle, mais ça, oui. Jasmine. Eh oui. Signe sur la feuille. Juste. Il reste juste à t'amputer le sein gauche, puis on est en business. OK. Wow, OK. Eh bien, c'est des détails, ça. Numéro 1 du côté anglophone, Islands avec Hallways, qui monte d'une place, mais on débute en francophone. Avec Fanny Bloom et Parfait Parfait. Sur C'est Fou, 89 FM. Eh oui. Moi, je peux-tu faire... Un jeu de mots, tu veux faire un jeu de mots? Vas-y. Un seul jeu de mots, vas-y. Non, en fait, c'est pas un jeu de mots. C'est quoi? C'est une petite minute engagée sociale. Ah ouais? Okay. Il paraît que la police de Montréal, la SPVM, vient d'acheter des nouvelles armes contre les manifestants. Des bombes sonores puis des grenades chimiques. Des bombes sonores, c'est quoi? Des grosses sirènes qui... Ouais, un cri strident qui vient complètement attaquer Louis. Ah ouais, c'est l'attaque Skrillex, finalement? C'est pire. Ouais. C'est pire parce que ça laisse des dommages permanents. Voilà. Un peu comme la drogue. Oh! Oui. Étant donné que ton nom, c'est La Plante. C'est Plante, mais comme tu veux. Mais j'aime ça ajouter des articles. Oui, c'est ça. Ajouter des articles. Attends, t'as combien d'affaires dans ton panier? T'as 4 articles, c'est 4 articles, comme ta chanson. C'est bon, t'es rapide, ouais. J'aime ça. Ouais. Mais c'est ça, je voulais juste vous dire que je trouvais ça aberrant, puis... Je pense que c'est important qu'on le sache. Bien dit. C'est tout. Fini. Merci, Kat. On repart la pièce. et en première position. Position des Palmarès et Fous pour cette semaine du 12 au 18 mars 2012. Avant de dire le numéro 1, on fait un petit récapitulatif rapide. En anglophone, 3e place, Set the Whale avec We Are 1980. 2e, Topanga avec Fogo Island qui monte de 5 places. Et en première, on vient d'entendre Islands avec Hallways qui monte de 1. Du côté francophone, en 3e position, David Giguère avec Encore. En 2e, Ariane Moffat avec Mon Corps. Et en première, c'était Parfait Parfait de Fanny Bloom. Oh oui, les jeux de mots sont maintenant clairs, j'espère, pour tout le monde. Oui. Ah, va falloir que j'arrête de faire ça à un moment donné. Non, je veux pas arrêter, c'est trop bon. Trop, tellement trop drôle, hein. C'est de ha ha ha ha, comme une sitcom ou un sitcom, dépendant des gens. Une comédie de situation. Ben, une comédie, ça approche de similaire. Je me trompe pas. Donc, retrouvez-nous la semaine prochaine, le jeudi, entre 14h et 17h, pour une autre édition des Palmarès C'est Fou. À 18h, ce sera La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. On repasse les vendredis soirs à 17h et jusqu'à 20h. Après nous, c'est Les Choix de l'Enfer. Et finalement, les lundis, c'est toujours très menaçant. Les lundis, entre 13h et 16h, les Ladies du Boudoir s'en viennent avec leur musique émergente et leur excellent contenu. Sérieusement, une excellente émission. Restez à l'écoute pour ça. Et mais après ça, restez là pour tout au lien. Tout excellent. Tout est excellent. Je regarde ça, puis je peux pas y toucher parce que c'est trop. C'est chaud. C'est hot. Ouais, en tout cas, moi, ce sera dans 2 semaines, probablement. Oui, ben j'espère te revoir bientôt. Et oui. La semaine prochaine, c'est la grève, le 22, donc... C'est la manifestation. Manifestation pour la... Manifestation nationale contre la hausse des droits de scolarité. Voilà. Donc, j'irai. J'irai. Solidarité. Oui. Merci, DJ Catardi. Oui, ben moi, de mon côté, je vais être solidaire avec toi. Je penserai pas aller à Montréal, donc on se verra la semaine prochaine. Et pour une autre... Chronique Drop the Bass. On va se dropper de la bass, toi. Mais hein. Ensemble. Oh. C'est ça qui est ça. Ben ouais. Alors, merci aussi Justine Renaud pour ses tartines. Merci Justine. À la semaine prochaine. Passez une excellente journée. Bye bye. Salut vous deux. Bye. Arrivederci. Oh wow. Muy caliente polyglotte dans le underground computer sur mon...